pourquoi, mais tu ne la mérites pas. Car les liens ne se laissent pas attraper comme ça. Et si elle te rejette, ne te questionne pas. C'est que de Léa, tu ne sauras pas le choix. Léa, souris si elle en a envie. Ne t'attarde pas si tu es indécis. Car Léa ne veut pas de toi. Car Léa posera son choix sur moi. Léa est une fille belle et fatidique. Et elle fait des caprices et ses blagues sont sarcastiques. Elle adore être adulée, qu'on la regarde quand elle passe, voir les yeux des garçons briller.